Choc FM, l'alternative urbaine. En manchette ce soir à 70%, ça me fait vraiment plaisir d'introduire pour vous le nouveau 10 de l'émission depuis que Edgar Bory a fait son premier jet. On est rendu au deuxième, c'est officiel, c'est sur l'album et c'est une toune appréciée de par tout le monde, même ceux qui sont pas dans douteux.org. C'est le découpage de Simon Prêtre, on écoute les douteux. Des ennuis sous les stars d'académie. Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans mes chanchous. Les chanchous, chanchous. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent. Tellement faites fort, du bon bon bon fort. Chaton, tweeton, mais doutons encore. Oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux doutent à nu. Pas question de réponse bidon, pas de nous, rien de méchant. Vive la vie, vive le vent, douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Ouais, 10-63 à chaque FM. 10-63 à chaque FM, 10-63. On est une bande de 10-63. Ouais. On s'est retrouvés, on a réussi, on est passé. On a passé le contrôle, mesdames, messieurs, ouais. Le contrôle qualité. Et voilà, je ne peux que féliciter Chris. C'est quoi ton nom de famille? C'est Closy. Yes. Dawish. Hello. C'est quoi ton nom de famille? Boop. C'est Boop. Comme Madonna, man. Ouais, c'est ça, c'est unique. On y avait déjà demandé. Exactement. C'est notre animateur douteux.org qui est à Québec. Merci. On a Étienne Forêt, le monolithe, le Markov de notre équipe, finalement. Toujours. Celui qui, des fois, est pas là, mais des fois, il est tout le temps plus là. Plus souvent là que pas là. Oui, ouais, pas mal. Puis même quand t'es pas là, tu nous appelles. Ben oui. Toujours apprécié. On a là-bas, monsieur Capitaine Québec. Est-ce qu'on dit un nom puis un prénom ou c'est... Ouais, mon nom c'est Gilles Lefebvre. Et voilà, donc Gilles Lefebvre, le capitaine Québec, vous l'avez peut-être vu sur le dessus du magazine Urbania du mois passé. C'est quoi, c'est le mois d'avant, l'autre mois? Septembre, il dit, c'est le mois de septembre. Ils ont fait un spécial Québec, ils ont pris le capitaine Québec pour représenter le Québec. On va poser des questions. Et puis, ben, j'ai pas compris le nom de votre tendre moitié, est-ce qu'on peut? C'est Hélène Lemillard. Et voilà, donc bonjour Hélène. Elle a dit bonjour, je vais lever son micro au maximum parce qu'Hélène est un petit peu gênée. C'est la première fois qu'elle est forcée de donner son strict minimum. Elle est habituée à faire son possible. Là, c'est rien de moins. Hein, ben, c'est ça, on est à 70%. Étienne, est-ce qu'il y a un spécial, un nom, et pendant que Bruno Corbin, qui apprécie les méthodes de l'action de grâce de Choc FM, pour terminer sa fouille anale, on nous permettre de faire de la radio bénévole. Cette semaine, j'ai pas de fil conducteur. J'ai préparé une sélection de plein de différentes affaires que j'avais le goût de faire jouer qui n'ont pas de rapport entre eux. Là. Et voilà. Un peu de tout. Dans le fond, c'est peut-être un voyage au centre de la bête. C'est ça. C'est les choix du DJ. Et voilà. Puis ben nous, à 70%, en fait, sur douteux.org, le site que vous êtes habitué d'aller voter à chaque semaine, ce qui a gagné, c'est l'excellent Ninja Permis à Terminer. Ninja Operation License to Terminate, qui a été traduit tout croche. Puis en background, c'est un petit peu comme d'habitude, c'est Secret of the Lost Star. Il y a eu le c'est comment ça s'appelait? C'est le coup de grâce qui s'est passé à Saint-Prime. Ma grosse d'amour est partie là-bas. Et puis, ben, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de ça, moi, je suis assez content parce que ça a comme répertorier tous les artistes qui viennent d'une seule et même, un seul et même label qui vient de sortir au Québec surtout, mais qui en même temps, c'est pas mal ce qui se fait de mieux au Québec ces temps-ci, je tranche semblablement, je me tiens tellement pas au courant de quoi je me mêle. Moi, mes bandes préférées québécoises, c'est Vidéoville, Le Monde dans le Feu, Les Incendiaires, Predge et Les Machins. Les Amants de Monique. Et puis, oui, Les Amants de Monique, qui est un excellent show. Qui ont passé au Pérou. Hein, j'adore beaucoup, oui. Oui. Les Amants de Monique, ils ont passé à la télé nationale du Pérou. Je mentionnais ça, parce qu'il y a un groupe péruvien sérieux qui s'appelle Los Amantes de Monique. Oh. Donc, Les Amants de Monique en espagnol, puis eux autres, ils font de la vraie musique sérieuse, puis il y a une vraie Monique qui est la chanteuse, puis elle a découvert qu'il existait la version québécoise sur Internet, puis lorsqu'elle était dans une entrevue quelque part sur la chaîne nationale du Pérou, elle a parlé qu'il y avait une version québécoise, puis elle a fait jouer un extrait du dernier show des Amants de Monique au pub Saint-Cyboire qu'elle a pogné sur Internet. Donc, ils ont passé à la télé péruvienne. Qui était, soit dit en passant, un des meilleurs shows que j'ai vu de toute ma vie, avec la réunion des Pixies. Pour l'instant, j'ai fait un long préambule. C'est pour introduire le solstice de Carquois. 5 minutes 35 pour nous laisser dès 10:63 iser tranquillement tous ensemble. Over. À 70%, on va reparler de Ninja, on va parler du Québec, on va parler des crises de blocs, puis on va parler j'ai une chronique de Bridge. À tantôt, à 70%. Je déchirerai le temps. Oh mon Dieu! Autant de retour à la maison. Oh là là. Un gros 9 degrés à l'extérieur. Et les nouvelles de Bruno sont une commandite de Burger City. Burger City! Alors, allons-y en nouvelles tout de suite. Avez-vous vu Barack Obama a gagné le prix Nobel de pas être George W. Bush? Ben oui, c'est ça. Il a bien réussi. C'est ça le truc. Au début, le monde, il voulait lui donner le prix Nobel de la paix. Ils ont fait que non, ça serait un petit peu trop poussé. Là, on va juste lui donner le prix Nobel. Il paraît qu'il y a du monde qui ont dit ouais, il y a d'autres mondes qui n'ont pas été George W. Bush. Mais il paraît que c'est vraiment lui qui l'a été plus pas cette c'est année. C'est ça. Moi, je sais qu'à quelque part en dedans de moi, j'ai été un petit peu George W. Bush, ouais, c'est l'année passée, c'est sûr. Il était pas. Plus pro, non pas. Ouais, exactement. Mais vraiment... c'est quand qui donne ça, les prix Nobel? Une fois de temps en temps. Ok, mais pour... ok. C'est pas comme, mettons, c'est maximum un par année, mais on donne pas ça au mois de janvier. Ben, lui, il va aller le chercher plus tard, là, il a pas le temps. Il est trop occupé. Il est trop occupé à diriger les troupes. À pas être George W. Bush. C'est ça. C'est un travail à temps plein. À penser peut-être fermer Guantanamo Bay. Fait que ça, c'était même pas une de tes nouvelles, c'était non, juste c'est comme pas une nouvelle, façon c'est juste... de t'exprimer. Ouais, ça. Exactement, je voulais juste chialer un petit peu. Là. C'est un entrefilet. D'accord, alors il y a un homme de Abilene au Texas qui s'est retrouvé en prison la semaine dernière après une visite dans un tribunal, mais c'est pas une visite dans un tribunal où est-ce qu'il allait se faire accuser de quelque chose. En fait, c'est qu'alors qu'il s'approchait du point de sécurité, on en parlera plus tard des points de sécurité. On lui a demandé de vider ses poches dans un bol bleu avant de passer au détecteur de métal. Chose à savoir ici, les détecteurs de métal ne détectent pas la marijuana. Il semble que le jeune homme n'était pas au courant. Il a donc déposé le sac de la dite substance dans le bol avant de passer au détecteur de métal. Il a passé quelques heures en prison avant d'être relâché sous caution de 750$. Quand même, on parle du Texas ici, donc ouais, on s'attendait à quelque chose de pire que ça, mais non. La mort, par exemple. Ouais, c'est ça, par exemple. Goudron et plume. Ben, écoute, leur président a eu le prix Nobel de pas être George W. Bush. Ça exactement, change un peu les choses. Peut-être hein. Que, ouais, c'est ça. C'est effectivement que... Ça allait attendre un état. Ouais, ouais. Lentement. Ouais, ben c'est bon, t'en as comme fait deux dans le fond. Ouais, j'en ai comme fait deux, même si une que c'était juste une montée de lait. Là. C'est ça. Ben, ouais. Ça compte. Tellement opiniâtre, ce Bruno. C'est épouvantable. Ouais, ça nous amène tranquillement, pas vite, à parler de tiens, Gilles Lefebvre. Parlons-en donc. Qu'est-ce que le Capitaine Québec? Qui est le Capitaine Québec à part la page frontispice du Urbania la semaine passée? Ben, Capitaine Québec, j'ai commencé en 1996. Mm-hmm. C'est quelque chose que quand j'étais jeune, je voulais représenter en tant que tel, mais je ne savais pas de quelle façon. Puis au fur et à mesure que les années passaient, à un moment donné, à la librairie anglophone sur la rue Sainte-Catherine, il y avait ces petites mascottes. OK. Puis j'ai transformé les petites mascottes en personnages. Capitaine Québec, mais vu que ces mascottes-là ne sont pas de chair et d'os, moi, j'ai voulu être le personnage représentant la planète bleue, bleu et blanc. Puis qui est bleu et blanc au Québec? C'est le Québec. Puis je suis un bon Québécois. C'est le drapeau, en tout cas. Oui, ouais. C'est ça, je suis un bon. Fait que dans la diversité, en bleu et blanc. Donc, ça a pris, c'est un voyage dans le fond, le Capitaine Québec. Au début, c'était une envie de vouloir incarner un personnage, et puis vous avez trouvé quelque chose, et puis ensuite vous avez développé autour de ça. J'avais pas d'identité propre comme personnage. OK. Mais il existait déjà, puis il a pas fait fureur. Non. En BD, là, parce qu'il y a eu une BD. Ben ouais, ça fait longtemps. Ouais. C'est... Ouais. Mais il a pas fait fureur. Il y avait une raison à ça, non? Il était pas vraiment né, probablement. Oh! Et là, je suis né. Je suis là. Et c'est comme un born again à Québec. Pardon? C'est un born again Québec, finalement. Si vous voulez. Ah non, mais ça veut dire que vous connaissez la bande dessinée un petit peu? Je l'ai entendu parler. Okay. J'ai essayé de la rechercher pour la trouver, puis j'ai pas réussi. Ouais, c'est pas facile. Un jour, peut-être, viendra que je la trouverai. J'en prendrai connaissance, mm-hmm. Mais d'un certain sens, il ne représente pas vraiment ce que moi je représente en tant que tel. Là. Et qu'est-ce que représente le Capitaine Québec? C'est la diversité culturelle. C'est comme, mettons, on peut dire, mettons qu'un jour on devient souverain, parce que je suis pour la souveraineté, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est posé à venir jusqu'à date, qui correspond à notre autonomie. C'est comme mon enfant, là. OK. Si je ne donne pas l'autonomie, puis que moi je gère ces choses à sa place, là, pas autonome, là. Ça ne deviendra jamais autonome. Alors, à ce moment-là, nous, un jour, on est appelé à devenir autonome. Donc, vous êtes contre l'interventionnisme de l'État, disons. Moi, je ne t'ai pas parlé ça. Oui. Est-ce que vous faites quelque chose politiquement? Ou non, c'est moi, pour la politique, je veux rien savoir de la politique. OK. Je me sens pas capable de gérer quelque chose qui pourrait éclore de ça. On veut surtout brasser les patentes. Oui, ceux qui en a qui sont là pour brosser, là. Ouais. Je suis d'accord de participer avec eux autres. Là, pas de problème là. Je peux être présent, mon personnage peut être présent. C'est bon, OK. Oui, je suis sur Pierre Ben qui soit là. Je veux dire, votre femme, elle venait avec vous et puis, je veux dire, à quelle place Hélène est dans la vie du Capitaine Québec? Est-ce que c'est Bad Girl? Non, c'est pas vrai. Elle représente pas rien de ça, là. En tant que telle, elle est elle-même, simplement. Okay. Elle représente aucun personnage. C'est comme Alfred, plus que comme Robin. C'est ma douce, ma dulcinée. C'est voilà. Ma compagne de conjointe. Okay. Mais elle est ma photographe, si vous voulez, dans un certain sens. Parce que grâce à elle, j'ai pu me rendre jusque-là. Sans ça, pas de photographe. J'aurais pas eu tous les petites cartes. C'est les photos. C'est comme Alfred. C'est un travail d'équipe. Ouais. C'est ça. En plus, le Capitaine Québec a une place où aller se reposer si jamais il est fatigué ou s'il a besoin de se ressourcer. Ah, ça fait partie du deal, ça. Hein? Ben oui, ah, puis ça fait des sourires là-bas, Hélène. Salut! Allô? On l'a entendu. Tu vois, ça fait déjà deux fois, là. On va se déjeuner tranquillement. Une petite joke de pète, là, c'est de valeur qu'Israël soit pas là. Hein. Ah, ouais. Tu sais, là, quand t'as pété, là, pis t'es dans le métro, là. Bruno Corbin à l'humour, hein. Dans le rôle du fou du roi. Non, mais merci beaucoup. Je pense tranquillement, pas vite, on est en train de comprendre mieux le personnage. Donc, dans le fond, c'est une construction qui est en train d'être étoffée et qui est ouverte à se développer. Qui n'est pas finalisé, justement. Ouais, et voilà, ça. voilà. Et puis, moi, j'adore beaucoup votre petit costume avec les petits triangles de toutes sortes de couleurs. Ça, c'est africain, je crois, je ne suis pas sûr. Non? Ah ouais? Oui, mais je porte différents costumes que je fabrique moi-même, que je peux fabriquer à moi-même. De... Ah boy, OK, c'est bien ça. Mais des fois, il y a aussi qu'il y a le mélange de différentes années avec un petit renouveau, comme l'année prochaine, en 2010, ça va être marqué dans le casque, là. OK. Avec toutes mes petites badges de différentes années. OK. Je crois que ça va être la couronne du Capitaine Québec, un personnage qui est encore en train de s'étoffer. Oui. Hey, nous autres, on demande tout le temps à nos invités de nous préparer un indicatif. Puis à un moment donné, ben, il va falloir que le Capitaine Québec nous fasse un indicatif. Comme je m'appelle Gilles Lefebvre, alias le Capitaine Québec. Et quand je ne suis pas occupé à défendre le multiculturalisme, j'écoute 70%. OK. Une variante de genre. Ça veut dire ça va te donner de quoi penser pendant un temps. Ou je suis trop occupé à protéger le multiculturalisme pour que j'ai pas le temps. Ça peut être ça. Qu'est-ce que vous pensez du Canada, de la position du Canada vis-à-vis le multiculturalisme? Ils se moquent du Québec. Ils prennent des exemples du Québec, moi, je trouve. Ils copient. Emmenés jusqu'à date, c'est plutôt du copiage. Que le Canada s'inspire qu'est-ce du Québec? Qu'est-ce que le Québec sort, là? Mettons un bon petit Québécois sort, là. Mm-hmm. Ils vont le prendre pour eux autres, autrement dit. J'ai ben, plutôt l'impression mieux, si de les ça. Inspire, mais ça ils c'est... s'inspirent, là, nous autres. Ça développe une... on le sent. Mais c'est bon pour eux autres aussi. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que tu sens qu'on s'inspire de une opinion? I'm just waiting for Captain Canada, if he's going to copy afterwards. OK. So, just waiting for Admiral Canada, as it were. Admiral Canada. one day. just to copy Quebec even further, we're going to get our own superhero. Dans le coin rouge. Est-ce que parlant de super-héros, est-ce que le Capitaine Québec a des pouvoirs? Non, il n'a pas. Il n'a pas? Non. Ben, il a sa femme. Can't fly? Ouais, c'est le seul pouvoir qu'il a, sa femme. C'est déjà pas fait. Hey, c'est pas mal, ça. Chris, qu'est-ce que t'entends quand que tu... Qu'est-ce que t'entends quand t'entends quelqu'un dire que le Québec inspire le reste du Canada? Well, I hear a lot of talk about multiculturalism, but it's only if you're French, apparently. If you're in Quebec and you're English, it's not okay. It's not multicultural. Okay. So. Est-ce que le français fait partie intégrante du multiculturalisme? Well, yeah, it's different cultures brought together, but only if you wear blue, apparently. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense là-dessus? Ah, moi, je suis pas d'anglais. Ah, on parle pas anglais. Moi, je n'ai jamais parlé anglais. Ah, mon non? frère parle anglais, parce qu'il a tout voulu l'apprendre, lui. Il avait besoin, il est chauffeur de van. Je n'ai pas eu besoin, je ne l'ai pas appris. Bon, ben. Mais un jour, quand on sera souverain, je l'apprendrai. Bon, on travaille là-dessus, donc on va devenir souverain pour aider la cause du bilinguisme au Québec. En attendant, on va pivoter tranquillement vers ma droite. Là, vous allez voir, il y en a un, là, il va nous faire... oublier tout le reste. Oui, vous allez voir que la séparation, ça va se faire plus localement que provincialement bientôt. Et voilà. Il faut que j'aurai commencé à appeler mon clavier magique, parce que premièrement ici, c'est l'action de grâce, et puis comme le veut la tradition depuis maintenant un an, c'est vieux pour à moi, chaque ça. Action de grâce, je fais jouer ceci. Oh non. Oh non. Et ça fait toujours du bien. I love you. I love you. Voilà. C'est le Chicken Polka Yodel. C'est le Chicken Yodel, en fait. Chicken Yodel. De l'album Hooked on Yodeling, The Best of Carrie Christensen. Donc, ça, c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc, imaginez les albums que j'ai pas apportés. Donc bon, en tant que vu que c'est l'action de grâce, c'est le temps de la volaille. Donc je pense que c'est important de commencer par un peu de poulet. Sinon, on va parler des défenseurs du Canadien. On est déjà là. On est des noms de la face de la journée. Oui, ah oui, ça c'est depuis le début, c'est clair. Sinon, dans le genre volaille, j'ai Lucie Vallée ici qui nous chante une chanson assez weird qui s'appelle Un oiseau sur la branche. Ça commence joyeux. Une compilation volaille. Non, juste deux tonnes. Après on change de sujet. Un oiseau sur la branche, il répond ses hanches, ses pantalons, et moi qui chante aujourd'hui. Tout là-haut sur les branches, plume bleue, plume blanche, je voudrais pouvoir chanter comme lui. Un oiseau sur la branche, il répond. Voilà, c'est un peu l'inspiration russe, je trouve, ça fait kazakh un peu. Mais bon, ça parle d'oiseaux, donc ça a un peu rapport avec l'action de grâce. C'est qui t'a dit qui chantait ça? Lucie Vallée, qui est extrêmement connue pour avoir fait ça. C'est pas mal ça. Ça date de quelle année? 72. Ouh. Mais sinon, disons, on parle souvent de la musique des années 70, comment c'était vraiment meilleur. C'était vraiment mieux, oui. Moi, ça me fait toujours rire. La preuve. Ouais, quand les gens disent, aujourd'hui, les textes sont poches, regardez, avant, on tenait ça à cœur, puis on écrivait des textes songés. Moi, je peux sortir des dizaines de tunes de textes poches, des centaines de tunes à textes poches des années 70, puis c'est aussi mauvais qu'aujourd'hui. C'est juste douteux. C'est juste mauvais et différent. Donc, sinon, j'ai découvert en fin de semaine Sylvie Vartan. Fait que j'ai décidé de vous parler d'elle. Sylvie Vartan, c'est une chanteuse française que je connaissais un peu vaguement, là, mais j'ai découvert qu'elle a fait plein de bonnes affaires que je connaissais pas avant. Donc, premièrement, Sylvie Vartan, elle est très connue pour avoir fait ceci. Ça, c'est sûr que vous connaissez la chanson. Mais la version très connue de ça, c'est celle de Chantal Renaud, qui est quand même supérieure, disons-le. Mais ça, c'est en France, celle-là. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue voilà. Des corrections, faut faire attention. Oh, comme un garçon. Ouais, c'est une butch, même. Sylvie Mais Sylvie Vartan, quand on examine un peu sa très longue carrière, là, ça fait quasiment 50 ans qu'elle tourne, puis elle tourne encore. Elle commence à être étourdie même, on me dit. Elle a fait énormément de reprises et de traductions douteuses de succès déjà connus. Donc, comme un garçon, je pense que c'est neuf, là, ça, c'est pas une reprise. Mais, regardez ici, en 62, elle a commencé avec ça. Quel est le premier train qui vous fera allez danser tous le papa. Invitez des copains qui savent ouais, bien rester. Allez danser tous le papa. Vous allez droit devant. Il faut avoir les deux écouteurs. Sinon, on n'entend pas les deux écouteurs. C'est ça. Bon, mêlez les deux écouteurs. Venez. Tout le monde à la maison. Mettez les deux écouteurs. C'est le moment. Si vous avez un bon ticket. Alors, si vous avez un bon ticket. Allez, guiche. Oui, il gâche un petit peu. Ça, c'est parce que ça vient de vinyle. Hein? C'est vieux. Ouais. ça vient d'un bout de plastique qui tourne. C'est ça. Okay, on fait ce qu'on peut. Avec un diamant. Exact. Mais c'est quel degré, mettons, de créativité puis de fierté que ça peut atteindre un artiste comme ça, tu penses? Écoute, pas beaucoup, selon moi, parce que elle a jamais rien créé. Tout ce qu'elle a fait, c'est interpréter des succès de d'autres, traduit rapidement par une autre personne qu'elle, donc... Micro-sillon. Elle a jamais rien fait, ben non. Hey, peut-être qu'elle devrait l'avoir, elle, le prix Nobel de poète George W. Bush. Je pense qu'elle mériterait. Si elle a le bon ticket. Là. Tu nous en sortes-tu un autre? Ah ouais, donc. On n'entend plus elle, mettons. Pousse-nous en un autre titre. J'en mets une autre d'elle, là, mais après ça, on changera de genre. Une belle reprise utile. Je pense que Julien qui est à gauche. Oh, viens danser le oula. Oh, shit. Désolé, je suis un peu expressif d'ailleurs. On voit que l'interprétation, en plus, ajoute pas grand-chose. Hein. Ça reste assez approximatif. Ah. Okay. Twist chante. Twist chante, en fait, a été repris après ça par les Baronets ici au Québec. Puis même la version des Baronets était meilleure que celle de Sylvie Vartan. C'est comme de regarder deux amibes se battre. C'est ça. Il y en a une qui avale l'autre tout à coup. C'est ça. On ne comprend pas trop vraiment pourquoi. Bon, ben, mets-nous une dernière, puis après ça, c'est moi qui prends le contrôle. OK. Ben, j'en fais une dernière reprise, plus années 80 qu'années 60. Vous allez voir, ça fesse. Écoutez-moi les paroles de ça. Oh non. Ah oui. Oh non. Nous sommes en compagnie de Marc ici. Ouais. Oh. Oh. Alors tout le monde reconnaît évidemment la chanson. Il s'appelle, en version Sylvie Vartan, Faire quelque chose. Oh. Tu vois qu'il y a de l'inspiration là derrière. Eyes of the Tiger, faire quelque chose. Ouais. Fait que là, faut l'imaginer, Sylvie en train de bûcher sur des longues... C'est vraiment Sylvie qui va chanter, là? C'est vraiment elle, là. Faire quelque chose. Faire quelque chose. Vous allez voir, ça casse. J'espère... J'en appelle à ce qui croit qu'il n'y a rien. Ok, on l'écoute au complet, ferme le micro à 70%. Étienne, bravo. Ouais, 3 minutes de souffrance. Il vient de faire Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans RoboFlick 2. Vous avez l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Sans attendre, on se sauce dans Ninja Opération License to Terminate. Ninja Opération permis à terminer. Séquence d'intro, on sort de la Paramount Wannabe. Freeze frame, LED blanche. On écoute ça, voir. Maître. Ça fait presque 10 années que nous sommes en guerre contre nos éternels ennemis que sont les ninjas justiciers. On les a peut-être battus, mais ça n'empêche qu'ils ont la vie dure. La cupidité de l'homme nous a certes permis d'obtenir tout ce que nous voulions et de conduire notre société dans le monde des forces du mal. Et notre destin est de gouverner un tel monde. Ah oui, mais attention, il se peut bien qu'on n'ait plus cette chance. Le prince des justiciers vient d'être mis au monde. Il doit mourir. Car sinon, avec son immense pouvoir, il serait en mesure de détruire notre royaume. Je suis prêt à vous obéir sans limite, maître. Le prince des justiciers, lui, s'appelle Alpha. Tu dois retrouver sa mère, une certaine Yvonne. Laisse cette femme, mais élimine l'enfant. Et où est-ce que je peux les trouver? Tu contacteras Collet. Il devrait savoir où elle est. Je ferai de mon mieux. J'aurai le gosse. Je dois te dire quel sera ton problème. Il s'agit d'un guerrier qui a voué toute sa vie à leur empire. Et il s'appelle Gordon. N'ayez aucune crainte, car je remuerai ciel et terre pour notre avenir. Entendu. En ce cas, mets-toi au travail. Tout de suite, maître. Donc, on vient d'entendre le speech d'intro des méchants. On passe sans coupure vers les gentils. Ils sont comme dans le même salon de thé, mais en arrière d'un rideau. Maître. Je me sens très fatigué. Il ne me reste plus longtemps à vivre. J'aimerais te charger d'une mission très importante. Je suis à votre service, maître. Alors écoute, depuis toujours, nos ninjas justiciers n'ont cessé de combattre les forces du mal et les guerriers qui les défendent. C'est normal, ça, car c'est là notre devoir. Le prince de la justice est arrivé en ce bas monde. Le jour où il deviendra un homme, il sera aussi le plus puissant. C'est lui l'élu qui détruira les forces du mal, tu sais. Que souhaiter de meilleur? Certes, mais tous les vautours des forces du mal vont tout essayer pour le liquider, même maintenant. Ils sont prêts à tout, tu sais, pour leur survie. Alors vous voulez que je protège le bonhomme? Oh non, du tout. Un homme a déjà été choisi, il s'appelle Rick, et c'est lui qui en aura la responsabilité. Pourquoi il est unique? Je vais te le montrer. On s'en va vers un flashback qui n'a pas vraiment d'importance et puis ça va me permettre de siffler la toune de Jeopardy pour occuper le temps. Alors. Là, on voit Rick. C'est blessé. Là, on comprend rien. Et puis je t'en ai tiflé la toune de Jeopardy, je rouvre les micros, je baisse le volume un peu, puis je parle. C'était pas la toune de Jeopardy en passant. Ouais. C'était The Bridge Over the River Kwai. Ouais. Ouais. Ouais. La toune de Jeopardy, c'est... Et hey, puis ça nous a permis de passer au travers du flashback. Oh, une fois. Là. Non, mais parce qu'il y a la version comme cute après, genre avec des accords en mineur. Et qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? C'est ça, là. C'est que les accords en mineur, toi, là. Écoute le maître ninja qui parle à Gordon. Voilà l'homme qui prendra en main le prince et son éducation et qui lui permettra de détruire le mal. Et qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? C'est que nos ennemis ont décidé de recourir à des sortes de mercenaires afin d'atteindre leur objectif. Charge à toi de tout faire pour les en empêcher. Et tu représentes notre arme ultime. C'est clair maintenant. Moi, j'ai rien compris. Non, moi non plus, c'était vraiment pas si clair que ça. Le maître ninja lui a dit le représentant des forces du bien vient de naître. Ouais. Il a dit est-ce que tu veux que j'aille le protéger? Il a dit non, on connaît quelqu'un d'autre. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ils ont dit, ben, ils ont engagé des mercenaires pour que ce qu'on veut arrive pas, fait qu'il faut que t'empêches ça. Des sortes de mercenaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on avance tranquillement, on se doute que c'est des ninjas gentils contre des ninjas méchants. Pas mal tout ce qui vient de se dire là se tient d'un bloc assez solide. On va y revenir tantôt. Pour l'instant, je vais parler du concept des racines. Les racines, c'est un concept qui est né depuis la création des hyperliens virtuels. C'est quelque chose qui nous est très utile à nous, à douteux.org. Et puis, ben, disons que l'on aime Evan Lurie. De quelle supposition tout le monde adore Evan, directive d'autopréservation Lurie. En regardant sur le net, on se rend compte qu'il a fait beaucoup de films avec Pépin Méry. Dont son inénarrable rôle de slash Norman Gallagher dans L'Homme Hologramme, Hologram Man, aux côtés de Joe Lara, celui qui ressemble au chanteur des Bee Gees. Tiens, en tirant sur la racine qu'est Evan Lurie, on s'est rendu avec trois autres noms importants. Joe Lara, Richard Pépin et Joseph Méry. Et pour être au courant, en continuant à tirer sur ces trois racines déterrées, en tirant sur celle d'Evan Lurie, qui dépassait, on va trouver des tubercules, beaucoup de tubercules. Et puis, ben, grâce au net et ses hyperliens, toutes les informations s'amoncellent pour faire de l'ensemble une arborescence liée au sujet de base, le tout résultant du hasard, de la motivation du chercheur et de la pertinence plus ou moins claire reliée au propos initial. Rien compris. Ben, c'est un petit peu fait de peau. Tu le réécouteras, tu vas voir. Parce qu'on est en archive à Choc FM. Mais oui. Choc, choc. Choc. Là où les retours à la maison se font quand ça nous tente. Donc, les hyperliens traduits en racines de ce côté du zéro sont la raison principale du pourquoi de l'effervescence de notre réserve de films. Chez nous, j'ai un disque dur qui contient, au moment où vous entendez ces lignes, ben, ou en fait, au moment où je l'ai dit, ouais, plutôt. 1900 longs métrages, moins deux ou plus, moins mieux vers le bas. Quant à la réserve de VHS, c'est quelque chose de pratiquement complété ou localisé en quelques collections privées. Notamment le club vidéo VN de Saint-Hubert qui contient quelques-uns des films qui nous manquent. Si quelqu'un a des contacts ou si le A-Team du VHS entend, on a besoin d'aide pour y accéder. Saint-Hubert, c'est l'autre bord, tu sais. Ouais, c'est pas... Faut aller loin. Traverser un fleuve. Là, on va chercher trois films, là, on les ramène, on les copie, puis on retourne la semaine d'après. Là, c'est 3 heures par semaine pour vivre le voyage vers le sud. Non. Parlons encore un petit peu des méthodes de communication. Au sein de douteux.org, j'ai la tâche de plus en plus importante de recevoir et classer les clips qui, quelquefois, nous font réfléchir ou nous surprennent par le manque de réflexion qu'on peut y rattacher. Il y a 2 ans, je recevais 10 clips en moyenne par semaine et puis beaucoup étaient des extraits découpés de films qui devinrent quelques-unes des vertèbres de notre collection. Depuis le début du mois de juillet, 3 mois et demi, c'était mieux, c'est 14 semaines. J'ai reçu 2500 clips, amenant la moyenne à plus de 150 par semaine. Si tu fais 150 divisé par 10... Ça fait 15. Hey, bloke! I don't know math. On dit 15 fois plus, c'est ça. Donc, c'est l'étendue du niveau auquel Internet est en train de modifier nos méthodes de communication. Aussi, merci sincère à tout le monde. Grâce à votre contribution, je n'ai plus jamais le temps d'écouter la TV. Et notre banque de clips est rendue à un niveau qui impose d'affiner nos méthodes de classement. Tout ça pour dire que oui, j'y reçois, mais là, je les empile au travers de 2500 autres, fait que des fois, on pense pas les faire jouer les lundis ou autrement. Mais ils sont là. Et puis un jour, ils vont ressortir. Moi, je les joue la semaine pareil. Et voilà, on a Dawish aussi, notre animateur à Québec. Là, on vient d'entendre le début. Dawish, c'est très pertinent que tu interviennes là parce que je voulais te parler à toi. S'il te plaît, parle-nous de toi un petit peu. Moi? Ouais, pourquoi est-ce que c'est toi qui es devenu l'animateur à Québec de douteux.org à Québec? Ben, j'ai vu le mail, puis j'ai dit, c'est à moi ce job-là, c'est moi qui ai hier en hier. Donc, finalement, t'as ressenti au sein de l'entreprise le besoin d'une entité capable de développer de la motivation autour d'un mandat clair et qui te ressemblait, et sans attendre, t'as sauté sur l'opportunité qui t'était offerte pour devenir une pierre d'assise d'un mouvement collectif. C'est à peu près ça, mais t'en dis long pour rien. T'en dis long pour rien. J'ai rien compris à moitié. Mais... Dis la grande guerre. Non, mais sinon, comment ça se passe à Québec? C'est qui y va d'habitude? Il y a comment de monde en moyenne? Ben, je te dirais que ça commence tranquille, mais couple de chums de filles qui viennent de gens Sept-Îles qui sont installés à Québec, puis ils sont 15 filles, puis ils viennent toutes à tous les semaines. Genre. Déjà, il y a 15 filles? Ça. 15 filles, tu vois, ça c'est plus que nous autres, le nombre de filles qu'il y a dans la salle à chaque semaine. Je suis pas d'accord. Il y a un bon pourcentage de groupies. S'il y en a quelques-unes, c'est nous autres qui les apportent. Ouais, c'est ça. Il faut que tu les amènes, parce que, en tout cas, ça commence tranquillement, parce que T'en es pas connu encore à Québec, le monde ne savent pas trop. Puis la Ninkasi, habituellement, le bar où est-ce que ça se passe, ben c'est pas vraiment un endroit où est-ce qu'il y avait des choses comme ça d'habitude. Okay. Mais le monde, tranquillement pas vite, s'en jase. Puis d'après moi, ça va empoigner une effervescence quand même assez... Bon, ben cool. On travaille fort là-dessus. Ben, j'aime ça, mon gars. Moi, je suis content que tu sois ici avec nous autres ce soir. Chris, pose une question au gars qui vient de Québec. Le gars qui vient de Québec? Je sais pas. T'aimes-tu, do you like Long Walks on the Beaches? Non. Non. Tom Hanks movies? Non. Non. T'aimes pas les films de Tom Hanks? Non. Really? Ouais. Toute la gang? Trop simpliste. Même Turner et Hooch? C'est même pas c'est quoi. Même Big. Il y a de la bave. Sleepless in Seattle, no? Non? Non. Et puis, nomme-le en français, je vais peut-être les savoir. Moi, l'anglais, je le comprends, mais écrit seulement. Ou crié par des... Tom Hanks et Meg Ryan vont fourrer à la fin du film. C'est ça, en pas au courant, désolé. C'est pas dans mes best moves. Et puis sinon, est-ce que t'as un clip dans la banque de clips que je t'ai amené à date qui te fascine? Est-ce que t'en as à conseiller un film sinon? Un préféré, là. Je vais te dire que, d'après mon expérience dernière, après un show de gothique, j'ai eu la plus drôle de toutes les demandes qui existent, je te dirais. Après un mois et demi que j'ai commencé douteux.org, ils sont venus à six filles me voir et dire « Ouais, tu passes des choses qui sont douteuses. Nous autres, on serait prêts à voir des histoires de scatophilie. Okay. » On m'a demandé « Two girls, one cup. Mm. » Puis tu l'avais, hein? Ouais, mais moi, j'ai dit « Je le sais pas si je l'ai. » Je voulais pas le mettre. Mais ça a fini, le gars disant « Tu fais recherche. » T'écris ça dedans, puis tu vas l'avoir. Là, je fais comme, je sais comment ça marche, c'est correct. Tu vois pas que je me défile un peu. L'autre gars dit, ah ouais, commande, le gros. Puis, ben, pas le choix. Je paye supplé. 3-4 personnes, quelqu'un le lève instantanément. Les 6 filles, puis les 3 gars qui sont là avec la gueule qui pente, ils font, ah waouh, c'est hot. Là, je fais comme, vous êtes ben trop. Je sais pas, ils sont merdiques dans leur tête, tu quoi. Two Girls, One Cup, là, tu sais. Ils veulent voir ça. Je trouvais ça laid. Je trouve ça. C'est bizarre. Il y a là, la scato, je suis pas capable. Et puis, ben là, c'est quoi? Tu l'as mis parce que le monde l'a demandé. C'est ça, c'est parce que, tu sais, quand ils sont neuf, t'as le demandeur, puis t'as 15 personnes dans le bar, c'est les autres qui pognent la moyenne. Puis quand je dis 15 à la fin, à 2h du matin, c'est parce que là, tu sais, il y a les 4 employés, fait que il en reste 11, fait qu'ils sont 9 clients. Il reste 2 personnes, moi et un autre nowhere qui est peut-être caché dans les toilettes parce qu'il a eu le goût de vomir parce qu'il a vu de l'escadeau à TV. Fait que là, t'as comme été obligé de censurer ton opinion pour faire plaisir à totalement. La demande démocratique. Ah, totalement. C'était totalement ragoûtant. Un héros, man. Peut-être que t'étais un petit peu comme le capitaine Québec en train de te battre pour la scatophilie. Multiculturalisme. Moi, je suis anti-scato. Anti-scato complètement. Ah, totalement. C'est dégueulasse. Moi, je suis anti-être au courant. Non, mais j'aime bien être au courant, mais pas trop, parce que pas plus que 220. Et voilà, c'était l'opinion de Dawish qui est monté de Québec pour nous parler. Parler du cadeau, c'est le fun. Et puis sinon, ben, on va te traîner avec nous autres au brouhaha tantôt, on va aller écouter Ninja Permis à terminer. Les Chelin Ninja qui peuvent tuer un ninja. Ça, c'est sûr, ouais. Mon gars. Seulement un ninja. Tu un hélico, moi? C'est vrai. Dans le film à soir, non. Dans ses poches? Ben, les films hongkongiens, souvent, ils n'ont pas assez d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ouais, c'est ça. Fait qu'à la place, ils mettent des sauts de fluo à du monde qui marche dans la rue avec d'autres personnes. Ils n'ont même pas assez d'argent pour louer un hélicoptère puis le faire aller en arrière d'une montagne avec de la pyrotechnie pour voir qu'il explose. Ouais, genre comme dans Ninja Turtles, la domination. Ça, c'est dégueulasse comme écrasement. Les hélicoptères se cachent pour mourir. Et puis, dans les plans du Capitaine Québec, là, en tant que représentant du multiculturalisme, là, est-ce que la culture ninja tient une place que vous avez considérée dans votre établissement de l'empire mondial, on pourrait dire? Moi, en tant que tel, faire ça, le ninja? Là? Non, ben, je veux dire, si, disons, il y a 3 ninjas dans un autobus, puis il y a des bandes de libre pas loin, ou sinon, il faut rester debout loin, est-ce que vous êtes du genre à aller vous asseoir à côté des 3 ninjas dans l'autobus? Ou? Non, s'ils sont aux côtés, ils sont aux côtés. S'ils sont plus loin, ils sont plus loin. Donc, les ninjas, on les accepte dans notre monde multiculturel. Oui. Est-ce que tu penses que Pierre-Éliott Trudeau serait fier d'une réponse de même, Chris? Ah, je suis pas sûr, moi. Mais tu voyais jamais des ninjas, même sur l'autobus, là, ils se cachent trop. Ben, ça, c'est ma déception à moi, ça. Mon gars. Ouais. Il y en a peut-être, mais on sait pas. Il ride sur le top de l'autobus. En dessous, le gros. En dessous. T'accroches en dessous, ouais. Dessous. Tu le crèches, là. Ouais, avec les spike wheels. C'est dégueulasse. Et puis sinon, ben, Bruno. Ouais. Pose une question à Dawish. Ah. D'accord. C'est quoi? Je pensais que tu m'avais oublié. Ah ouais? Ah lui? Ah, je pensais moi que je t'avais oublié. Oh non. C'est quoi ta marque d'hélicoptère préférée? Crashman. Crashman. Hey, sur ces sages paroles, on va aller écouter ici une toune de Michel Brûlé, celui des éditions Michel Brûlé. Oui. Ça s'appelle À la poubelle. Oh non, tu m'as montré ça tout à l'heure. C'est, hey, c'est dégueulasse. C'est parce que le gars, il est bon critique parce qu'il a une maison d'édition. Ouais. C'est quoi la vie? Il peut chialer contre le fromage radioactif et le déchet nucléaire. Et voilà. À 70%. Merci tout le monde. On va continuer juste après. À explorer les méandres de tout ce qui se fait. Take my secret of the star. Vos céréales sucrées de culture transgénique, vos poulets à toi faits qu'avec leur mode chimique, votre cola remplie de sucre et de colorant, vos pubs qui font de la pire bière la plus populaire, vos gommes, vos chips qui vous donnent l'air de ruminant, vos cigarettes qui rendent accro toute la planète. Ça va me faire plaisir, ça va me faire plaisir donc de passer à la chronique. Simon Prêtre, je vais m'envoyer. C'est lui qui l'a fait. Je suis pas responsable. Bon. Hein, il fallait que ça. Il est écrit que c'est un MP3. Je le mets dans un lecteur MP3. Puis là, ça intéresse personne d'autre. On ouvre les micros. Bruno, nouvelle? Hey, hein, en tout cas, c'est pas épouvantable, les MP3, maudites qui ça me met en beau fusil. Excusez, j'essayais de prendre la place de Simon Predge. Ouais, tu l'as vraiment bien. Ouais. En tout cas, hein? C'est de ta faute. Épouvantable. un groupe de pirates somaliens qui ont été surpris de voir une potentielle victime contre-attaquée après une tentative de piraterie. Il me semble que c'est ça qu'ils font, de la piraterie, c'est ça? C'est ça que ça s'appelle. Piratage? Bon. Ouais. Alors, leur cible était un navire de la marine française, en fait. Un porte-parole de la marine, l'amiral Christophe Prazouk, affirme que les pirates ont attaqué à partir d'un skiff durant la nuit et à environ de 500 km de la côte somalienne. Mais le navire de commande et fourniture a contre-attaqué et a poursuivi les pirates en capturant 5. C'est comme les Gaulois, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est drôle, ça, les pirates en Somalie, hein, quand même. Ben, c'est pas drôle, là, mais... Moi, je trouve ça assez drôle. Je savais pas que ça existait encore contemporainement, comme ça, des pirates, ben, ouais. T'as pas ouais, vu ça de peur, hein, ben, surtout que depuis 91, il n'y a plus de gouvernement central en Somalie, donc ça... Tout le monde fait ce qu'il veut, tu sais, puis il n'y a plus d'aide gouvernementale, rien, donc... C'est les gouvernements des autres pays qui envoient des bateaux pour naviguer les eaux autour de la Somalie pour pogner des pirates. Boy, ça va de mieux en mieux. Ouais. Ah oui, ça va bien. Et puis, ouais. c'est vraiment un pays où il fait bon vivre. On y va avec un autre, ben parce oui, que t'es, ben quand, oui. t'es pas capable de faire marcher tes affaires. Ben vas-y, là, occupe-toi des tiennes. D'accord, Dean Gardner et Jason Fender étaient sortis pour une beuverie à Swansea, en Galles du Sud. Après avoir ingurgité assez d'alcool pour faire des conneries irréparables, les deux jeunes hommes ont décidé d'aller chercher le trouble sur la rue. Ils ont alors commencé à abuser verbalement et physiquement quelques passants avant de jeter leur dévolu sur deux hommes habillés en femmes. Croyant avoir affaire à des drag queens, ils ont commencé à attaquer l'un d'eux avant que l'autre décide de venir en aide à son ami, livrant deux solides coups de poing assommant les deux hommes. Il s'avère que les deux travestis étaient en fait des professionnels du combat libre ou Ultimate Fighting, en sortie avec des amis, pas de détails sur les raisons de leur accoutrement. Gardner et Fender ont tous deux plaidé coupables à des accusations de comportement et propos abusifs et ont reçu une sentence de 4 mois de travaux communautaires ainsi qu'un couvre-feu de 19h à 7h tous les jours. Alors, de 19h à 7h tous les jours, vous savez que vous pouvez vous promener à Swansea, en Galles du Sud, sans vous faire écœurer par ces deux gars-là. Voilà. C'est toujours bon à savoir. Bonne idée. Cherchez quoi faire ce soir, une idée de sortie, 70%. Et voilà. Hey, puis je pense en plus que je l'ai trouvé, le fait que je vais pouvoir faire arrêter de rire de moi. Là. Il faut que ça... Ah non, même ça. Chronique d'après. On est là pour ça, man. Chronique d'après. I can't wait any longer. Ah, ça a l'air d'être ça, là. OK, bon. Écoutez, Predge, on y va. Merci, Predge. Merci, Bruno. Hein, c'est plaisir. Moi, j'aime ça quand que c'est les underdogs qui se vengent. On écoute Predge. Ça devrait être le temps de faire saigner nos oreilles encore plus que quand c'était Étienne Forêt. En ce moment, je parie que vous avez hâte de sentir mon haleine fécale d'anus de cheval qui cogne des clous dans les yeux des crétins qui peuplent notre planète. Mais cette semaine, j'aimerais plutôt cracher du sperme sur un sujet chaud et tabou qui nous touche tous. Permettez-moi d'aborder le sujet de la dépression suicidaire. Et quand je parle de sperme, je veux dire un amoncellement de vie à l'état brut, ou si vous préférez, la pureté de la vie dans son essence la plus naturelle. Et s'il y a quelqu'un qui trouve que le monde tourne pas rond puis que la vie c'est de la merde, c'est bien moi, Chris. Je connais pas plus chialeux que moi, évidemment. À la radio, le personnage est caricaturé, mais je suis pas vraiment mieux dans le privé. Quand je regarde le monde qui nous entoure, je vois brun et rouge. Brun pour la crasse nauséabonde qui s'émane de l'humain, qui ne vit que pour lui, qui ne trouve rien de mieux pour se rapprocher de Dieu que de grimper sur la tête de ses semblables, en les enterrant dans le sol de par le poids de malhonnêteté qui pèse sur ses épaules et le mensonge qui prend d'assaut ses paroles et sa mâchoire de vampire assoiffée de sang et de sexe. Et donc s'enchaîne progressivement le rouge pour l'injustice qui règne en ce bas monde sauvage et fait couler le sang des innocents sans faire de favoritisme ou de présélection programmée. La vie, cette chienne salope et cruelle. Bien sûr que ma chronique de cette semaine a été inspirée par le suicide de la fabuleuse Nelly Arcan, mais avant tout, de ma propre condition. Parce qu'on a tous mal à l'âme de temps à autre. Ces idées noires qui peuvent nous pousser à vouloir mettre fin à ces jours sans demander son reste. Quand les soupirs de contentement se font de plus en plus rares, Peut-être seulement à cause du temps gris ou tout simplement parce que tout n'a qu'un temps. Quand le vent du nord nous empêche de se tenir debout, puis d'y rester debout. Je suis peut-être juste fatigué, mais j'ai l'impression que je vais en manger toute une. C'est un son incessant dans nos oreilles qui nous empêche de se concentrer. Je sais plus ce que je veux. Je veux rien. Mais je m'accroche à mes passions pour pas sombrer. Je dois pas trop grimper, par contre, parce que si je tombe de trop haut, ça va faire mal quand je vais toucher le fond du gouffre. Si je tombe de trop haut, je serai jamais capable de remonter la pente. J'aurais juste besoin d'une réjuvénération, il me semble. La dépression, c'est peut-être dans ma famille, au fond. T'sais, j'ai un oncle suicidé dans mon arbre. Puis pas bien loin, sur une autre branche, ma très chère mère a goûté elle aussi à la dépression. Cette saveur aigre qui quitte pas notre palais. Parce que dans le palais des glaces, on fait toujours face à soi-même. Et parfois, notre reflet peut faire peur ou nous dégoûter. La peur, c'est juste une question de peur. Toujours, toujours la peur. Peur de pas savoir ce qui nous attend. La curiosité serait alors une meilleure solution que l'abandon et son parfum amer. Un jour à la fois, puis voyons voir ce que demain nous réserve. Faut suivre la vague, manœuvrer de notre mieux. Un capitaine ne laisserait jamais couler son navire. Il donnera tout ce qu'il a et coulera avec lui s'il faut. Mais il restera à la barre jusqu'au bout. Parce que faire de son mieux, c'est déjà bien suffisant pour déplacer mer et monde. En même temps, la mort est une fin inévitable. Mais on a tellement peur d'être oublié. Tout le monde veut laisser sa marque, que ce soit dans l'écorce d'un arbre, d'un graffiti, sur un bâtiment, un souvenir heureux dans la mémoire d'un être aimé ou simplement une progéniture qui assurera la dépendance. La survie. Le v'là le défi ultime. Tel un instinct sauvage qui fait qu'on s'accroche puis qu'on reste droit et fier devant l'adversité. L'obstacle primaire restera toujours la peur. La maudite peur de la noirceur. Parce que j'ai peut-être pas la force de vivre, mais j'ai pas le courage de mourir. Il n'y en aura pas de facile, disait mon grand-père. Des paroles toutes simples, mais qui résument bien. C'est trop souvent dans le regard des autres que se crée notre personnalité. Faut donc prendre le taureau par les cornes et faire entendre sa voix pour s'élever au-dessus de tout et faire sa place. Même si ça demande parfois un effort surhumain. Essayer en vaudra toujours la peine. Il faut garder les yeux puis les bras ouverts. Parce que la lumière est pourtant tellement facile à trouver dans les ténèbres. Puis c'est dans cette lumière-là que l'amour a élu domicile. L'oreille d'un ami qui écoute puis qui t'offre son épaule. Parfois simplement le sourire sincère d'un étranger peuvent faire toute la différence. Dans les moments sombres, on a envie de tout garder pour soi. On aurait le goût de rien de partager, de tout garder nos déboires pour nous. C'est normal. Mais c'est pourtant la meilleure chose à faire, c'est d'en parler. Faut laisser sortir le méchant de temps en temps, puis les amis, ben, ils sont là pour ça. Puis ça donne bien, mais des amis, il y en a partout. Faut juste s'ouvrir un peu, puis en parler. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai décidé d'exorciser mes idées noires, puis mon mal de vivre. En parlant simplement avec vous. Parce que ça me fait du bien, puis plus qu'on le croit. Parce que c'est en hurlant notre méchant en nous qu'on va arriver à s'en débarrasser. Comme je fais ça chaque semaine dans ma chronique, en fait. Demain, c'est un autre jour. Puis on va être prêt à y faire face avec toute la force qui nous reste. Parce qu'en sortant la tête de notre trou, on se rend vite compte qu'il y a plein de choses dans ce monde qui valent la peine qu'on s'accroche. Puis la première sur ma liste, ben c'est mes amis. Que j'aime, puis qui me rendent bien. Parce que dans les moments rough, les meilleurs amis sont toujours là à te porter sur leurs épaules. Parce que eux aussi, ils savent qu'au fond, tout n'a qu'un temps. Si toi aussi, t'as le goût de jaser un peu de tes craintes ou de tes doutes, mais que t'es incapable d'en parler à quiconque, peut-être même que t'as personne à qui en parler, ben, il y aura toujours ta jeune. Au 1-800-263-2266. 1-800-263-2266. Puis sinon, ben, j'ai peut-être une grand gueule, mais j'ai aussi deux bonnes oreilles pour écouter. Tu peux me rejoindre par email au predge@commercialdouteux.org. C'est predge@commercialdouteux.org. Ça va me faire plaisir de jaser parce que des fois, jaser, C'est tout ce qu'on a besoin pour se sortir du trou. Puis il n'y a personne de mieux placé qu'un ami pour ça. Ah, mais là, avec tout ça, j'ai toujours pas plugué Nathalie Simard dans ma chronique, moi. Shit. Ben, en tout cas, ben, si ma précieuse Nathalie est à l'écoute présentement, là, remets tes calices de godasses, ça pue jusqu'à chez nous. Petite conne. Pense un peu aux autres, des fois. Anyway, je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Tenez bon. Puis faites-vous pas trop chier avec l'automne, là. Tout n'a qu'un temps. Puis Nathalie Simard, ben, c'est qu'elle mange la marde. Profond cette semaine. Je pense qu'il veut qu'on écoute Louis Armstrong. Il veut nous faire pleurer. Il était écrit dans les directives. C'est ça, c'était clairement indiqué. Il fallait qu'on l'écoute au complet. Non. Moi, j'ai une chanson qui s'appelle Déprime qu'on pourrait mettre, ça me semble, ça fitterait. De toute façon, ça avec, ça fait pleurer. Oui, c'est sûr. Ben, Bruno lit une nouvelle pendant qu'il y a ça en background. D'accord. Ça va être non seulement cynique, mais en plus, peut-être qu'à un moment donné, il va reparler, puis on va le réécouter. Ah, ben tiens, ça sonne. Ça sonne au téléphone. Ça doit être lui. Allô, c'est qui au téléphone? C'est la grosse. Hey, salut, toi. Ah ben. Hey, bonjour. Puis, quoi de neuf? Salut. Êtes-vous de la gang de Joyeux Luron? Oui, on a tous réussi à rentrer dans les studios. Oui, ça a pas été facile. Oui, votre invité aussi. Oui, on a le Capitaine Québec. Dis bonjour au Capitaine Québec. Bonjour, Capitaine Québec. Je suis à Québec. Vous pouvez dire bonjour à la grosse, Monsieur Capitaine Québec. Bonjour, Québec. Eh bien, c'est ça. Là, je vous appelais pour vous dire que la route avait bien été. Ah, ben oui. Merci, parce qu'on s'inquiétait. On parlait juste de ça depuis tantôt. Ben, merci. J'imagine. Ça, je voulais vous rassurer tout le monde. C'est bon. Puis aussi, sur la route, là, j'ai pensé à Tommy. J'ai vu un salon de coiffure, là. Le nom du salon de coiffure, c'était Air Pur, mais tu sais, comme Hair Pur. Ah! C'est fou, hein? Au lac Saint-Jean, en plus. Et voilà, la souffrance est intégrale. On va se rappeler des sages paroles de Simon Préjean. Il nous a fait de quoi de touchant avant, là? On y aurait fait un câlin s'il avait été là. Ouais. Simon Préjean nous a enregistré sa chronique, là. On est en train de s'en mettre. Comme, ouais, c'est ça, on est comme en bout de triste, là. Puis là, il nous a mis cette tune-là à écouter après. Là, puis là, tu viens juste d'appeler pendant. Fait que c'est beau que ce soit toi qui appelles pendant. Bon, ben, c'est merveilleux. Ben. Puis, à part de ça, ben, moi, là, je veux dire que le coup de grâce de Saint-Prime, c'était vraiment malade. Ouais. Un festival avec plein de bandes, avec Malajube, Carquois, Fraise Fortin, Vincent Vallière, bande de garage. C'était complètement fou, le camp de vacances du rock de Saint-Prime. Puis, ah ouais, ça, c'est vraiment hot. Faut que ça continue. C'était mieux d'être hot parce que tout est monté. Hein? Je t'ai prêté pendant une semaine, là, fait que ça a mieux d'avoir été hot. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, c'est ça. Là, Emmanuel, il est pas loin, là. Je sais pas s'il veut dire coucou, là. Ah, il est occupé. Bon. Ah. Fait que là, on va faire ça ce soir. C'est quoi le film? C'est Ninja Opération Permis à terminer. C'est un 2-dans-1 Godfrey Joseph Fly dans lequel deux films deviennent un seul par la magie du manque de respect pour son auditoire. Ça va être malade. Ça va être très, très bon, je te le promets, mon amour. Bon, ben c'est génial. Ben écoute, moi je vous salue, puis il y a du fun au brouhaha. Ben, fais attention à toi, puis merci d'avoir appelé, là. C'est plaisir. On va demander une blague à Hélène, là, ça va nous redonner le sourire. Yeah. OK? Salut! Hey, salut ma belle, à demain. Bye. Bisous! Hélène, elle me regarde, elle n'a pas l'air sûre. Hey, bisous, ma chérie, là. est-ce qu'il y a une blague, une petite blague, là? Non. Anne Nogan? C'est dommage. Ben là, toc-toc. Une de ta mère, peut-être? Une autre fois, ben, Capitaine Québec, une blague. Oh mon Dieu, un coup. Ah ouais, une blague, c'est une fille. J'en connais pas en tout. Bon. Je suis pas ben bon là-dedans. Pas en tout. Excuse-moi. Là. Ah ben non, mais c'est correct. Ça en est déjà presque une. Toi, Dawish, t'as-tu une joke? Elle est un peu salée, ça me dérange pas. Ah non! Je sais pas, hein? Bon, OK. OK? C'est plus une morale que d'autres choses. Mais en tout cas, ouais. C'est l'histoire de trois chattes qui se font écraser par un dirou. Puis ils montent au ciel. Ils arrivent devant les saints. Puis là, les saints disent de passer une épreuve, sauter par-dessus une piscine sans vous mouiller, puis vous allez pouvoir monter au ciel. La première à part à courir, elle jump par-dessus la piscine. Pas de trouble, les saints pensent 2-3 minutes. Correct, tu peux monter au ciel. La deuxième à part à courir, elle spin, elle tombe à moitié dans l'eau. Sort de là un peu mouillé, puis les seins, elle laisse pour autant miauler dans un coin pendant 2-3 mois. Puis Bon, c'est correct. Monte au ciel, tu peux y aller. La troisième, à part, elle glisse avec la poutie de la deuxième. Elle se plante totalement dans l'eau. Elle arrive devant les seins, il l'ignore totalement pendant 3 ans. Mais là, ils sont tellement tannés de l'entendre miauler qu'ils disent, bon, c'est correct. Tu peux monter au ciel, il n'y a pas de trouble. Mais la morale de cette histoire-là, c'est plus les chattes sont mouillées, plus les seins sont durs. C'est ça pour aller. C'est une morale. C'est vrai? En tout cas, tu viens de nous en donner à réfléchir. Ah oui. Ce que ça fait à une chatte mouillée? Non. Ça a arrêté de graffiner, ça s'éponge. C'est de mieux en mieux. C'est opération registre. Hey, Étienne Forêt, mets donc la toune que tu parlais tantôt, la dépression. On va l'écouter d'un bout à l'autre. Oh. Attends, t'as-tu des cordes au lit des micros? On va au moins la partir. Mais c'est également une reprise de Sylvie Vartan. Aussi ça... encore? Oui, tu encore. Ah oh, ben c'est cool, je l'ai découvert, puis tout est bon chez elle. Regardez bien ça, déprime. Oh, ça, vous voulez l'écouter au complet, c'est 3 minutes de nuit de gaspiller. Oh ouais, on l'écoute au complet. Oh, à 70% des vidéos. Bonne déprime à tous. Mon antidote, le remède à tout. Rien ne me contamine. J'ai le sourire à l'épreuve de tout. Mauvaise mine, ton image de marque décline. Là, Étienne, tu dis que c'est encore Sylvie Varta qui a eu l'idée Varta. De faire... Varta. Varta. Varta. A-N. A-N. Ouais. OK. Sylvie Varta. Oui, c'est ça. C'est... Écoute, elle, toute sa carrière, c'est un paquet de reprises de la même. Elle n'a pas fait grand-chose d'original. J'en ai une que j'ai pas l'impression que c'est une reprise. Je vais enchaîner avec ça. Vous allez voir, ça va faire du bien. Elle a eu l'idée de nous chanter la table des matières du Bécherel. Oh my god! Hey, c'est quoi cette prise-là? Aimer, aimer, marcher, courir, voler, rêver, blondir, donner, blondir. Garder, serrer, trembler, pleurer, chérir, aimer. Ça rime, en tout cas. Et vivre, croire et suivre. Porter, plier, tomber. Je l'ai écouté au complet tantôt pour être sûr que c'était rien que des verbes qu'elle disait. Effectivement, ce n'est que des verbes. À l'infinitif. À l'infinitif. Sauf des fois, elle dit et puis ou et, là, pour les lier ensemble, mais sinon, c'est que des verbes à l'infinitif. Ça, des marqueurs de relation. C'est-tu comme une des moins bonnes idées en longtemps, ça? Avec des émotions, pas de contexte. Ouais, moi, je dis que oui. C'est l'abécédaire des cons. Une opinion du Capitaine Québec? Est-ce que le français... Je suis pas friand de ça. Non? Non, si ça avait été en anglais, ça aurait pas été meilleur. Moi, ce que j'aime, c'est Western. La Western? Ah ben, gardez bien ça, j'en ai une. Je vais vous en passer une un instant. J'avais préparé ça. Oui, c'est Willie Lamotte, évidemment. Not Western à nos autres. Une collection de Western. Rien de ça. Non? Oui? Rien d'autre. Ben, c'est là où j'y laisse ça à elle. Ben celle-là, c'est mon voyage en Louisiane, où Willie Lamotte nous parle de son voyage en Louisiane. Ah, on voit qu'il y avait un concept. Oui, il y avait une idée derrière la tête. C'est-tu parce qu'il a fait un voyage en Louisiane? Apparemment. En tout cas, il a voyagé. Ce serait en Louisiane qu'il serait allé s'arrêter. Je me suis promené dans les bayous. J'ai vu des fleurs, belle vie, des belles femmes, de la Fayette, de la Grande Maman. Dans le et son gentil, ses acadiens et son poli, ses louisianais. Je comprends qu'ils sont nos cousins. Quand on les rencontre, ils parlent français. Ouais. Moi, ce que j'aimais en fait dans cette chanson-là, c'est une phrase qui est un peu plus loin. Je commence un peu, il y a un long solo. Faut qu'on réfléchisse à la prochaine phrase. Le plus surpris, car j'ai été bien accueilli. Donc voilà, j'ai été le gars le plus surpris car j'ai été bien accueilli. Donc lui, il s'attendait vraiment que les Louisianais ne voudraient rien savoir de lui d'aucune façon. Ouais. Puis finalement, il a été bien accueilli. Et man, je suis bien accueilli. Wow. Je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment plus surpris que eux autres de bien me faire accueillir. Ils s'y attendaient pas. Et puis, est-ce qu'on a voyagé beaucoup? T'as-tu fini avec ta chanson? Ça peut faire... Je peux la laisser jouer en background, peut-être, oui, pendant qu'on continue. Capitaine Québec, est-ce qu'on a déjà fait le tour de la francophonie en Amérique du Nord? Non. Non? Vous êtes surtout resté au Québec? Oui, je suis pas un grand sorteur. Je suis pas un grand voyeur. Les endroits où le Capitaine Québec s'est manifesté, est-ce qu'il y en a pas loin de la l'Acadie, ça? Non, moi, là, la seule fois que je me suis manifesté, c'est simplement aller à Saint-Jean-Baptiste. OK. Depuis 1996, je restais dans Londres. Je voulais simplement pas de me médiatiser, rien. Là. Ça m'intéressait pas de m'en convaincre non plus, là, d'ailleurs. Oui, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup. Peut-être que si j'avais été seul, probablement que ça aurait été autrement. Mais de toute façon, je suis bien comme ça. Là. OK. Mais c'est simplement Urbania qui m'a sorti de Londres. Ah ben... J'avais pas de numéro de téléphone sur mes cartes, rien jamais. Ah ben. J'avais pas de... Fait que c'est nouveau, là, tout ce coming out. Oui, c'est là. Ça, c'est eux autres là, qui ont fait... Ça date du mois passé. La levée de... Ça veut dire que le personnage. C'est la première entrevue radio du Capitaine Québec. Oui. Hey, avec la chronique de DJ Georges et puis Simon Predge qui a eu envie de nous donner envie de nous... Ouais, vous êtes les heureux élus de la première. C'est quelque chose quand même. Qu'est-ce ça fait partie de l'histoire. Oui, j'espère. Ouais, c'est sûr. Pour un Québec libre. Mais là, d'exister dans le Canada, si ça lui tente. Je suis la péninsule. Ah, moi, je suis pas pour la séparation à 100% là, en tant que tel. Ah ouais? Si le Canada pouvait faire en sorte... que le Québec devienne autonome puis qu'on puisse rester, ça me dérangera pas en tout. Un peu à des kisses, là, c'est bon. Je suis au monde canadien-Québec, moi. Mais, dans certains sens, dans le mien, que ça se produit, dans le mien, que c'est géré par le... Ça pourrait être... pour la souveraineté. Bon, mais, dit... à moins que ça change. Ça, c'est pour moi qui mène ça. Puis, toi, Chris, est-ce que t'es pour la souveraineté? I don't really care as long as I get my beer cheap. That's, if it's in Canada or Milwaukee. Quebec, it's all the same. My old Milwaukee, yeah. Yeah, bon, yeah. Pourrais-tu me traduire ça en français que je comprenne, au moins? Il a dit que ça ne dérangerait pas en tout qu'on soit séparés ou pas. Ah ouais. En autant qu'il peut avoir sa bière pas chère. Ah ouais? La old Milwaukee. C'est pas moi qui vais payer la bière, j'espère. Je pensais qu'il pouvait de la Molson canadienne. Je pense pas. Ben, à soir, en fait, si vous venez au brouhaha, c'est nous autres qui va vous la payer. Fait que c'est quand même un bon deal, ça. Aïe, je suis tout de suite. OK, d'abord, je suis là. Bruno, veux-tu faire d'ailleurs une nouvelle sur la trame sonore que Étienne va nous choisir. D'accord, je pense. Et peut-être même t'en pousserai-je deux. Alors, il y a la police de Gunbalanya en Australie. Ils ont dû arrêter un crocodile qui flânait le long d'une clôture et qui tentait d'avoir l'air innocent. Ils l'ont vu dans ses yeux. C'était le... pas un 10-63. Ouais. Il y a un moins de temps. Le sergent Adam Russell n'a pas attrapé la bête avec style comme l'aurait fait Steve Crocodile Annoyer Irwin, ouais, puisque les agents forestiers lui ont été interdits. La femelle de 2 mètres de long a été attachée puis emprisonnée dans la cellule du poste de police 4 heures durant. Il semble qu'elle ait eu un bon comportement de prisonnière malgré quelques sautes d'humeur. Voilà. Et ils ont donné le sous-chef. Il l'arrosait une fois par heure. Ça y est. Fait que finalement, ses motivations au crocodile sont-ils connues? Non, on n'a pas connu ses motivations. Elle a été relâchée à faute de motif, je pense. C'est modus operandi. Ah non, t'as pas modus operandus crocodilus. Oh, alors qu'on vient de se faire fermer la lumière dans le reste de choc. On est vraiment en train de fermer la boutique tranquillement. Ouais, c'est ça. Alors, on va essayer de faire ça. Attends un petit peu, Bruno. Ah. Non, il nous reste quand même 12 minutes. Là, moi, j'aimerais ça qu'Étienne nous parle de la toune, puis joue en background un peu, vu qu'on mélange vos deux chroniques. Ben oui, ben comme Godfréo, Joseph Lair. Ah, ben c'est bon. Bruno. Mélanger et... plus les gens. Exactement. Alors, cette chanson-là, en fait, c'est une chanson western. Qui est chantée par une femme qui s'appelle Claudette Ducharme. Elle était tellement pas loin, c'est Francine Dulon. Ah! C'était pas pire. Et du ketchup. Et ça s'appelle Le Déménagement. Puis en gros, elle nous crie sa déprime là, parce qu'elle est bien tannée de déménager, puis à chaque fois, elle déménage dans des loyers trop chers pour elle. Qu'on se demande pourquoi elle y va, là. Ben, conne! Mais peut-être qu'elle se fait foutre dehors à chaque fois. Ouais, cas, c'est puis, ça. Tout est trop petit, puis le chauffage n'est même pas inclus. Fait que. C'est 20 secondes pour se baigner. On est en plein dans le solo final. Là. Ça sent pas le bridge. Ça, ça dégénère un peu. Là, c'était son punch final de sa phrase. Ballonné. Il y a un stop and go pis tout là. Du ballonné. Voilà. Merci Francine. Ah ben là tu vas en commencer un autre. Fait qu'il faut que tu nous parles de ton autre toune avec oui, Bruno ben... Lee, sa dernière nouvelle. Ok, ben vous connaissez tous mon amour pour Michel Farinet. Ce Français qui nous avait donné l'euro, notre monnaie à tous. Oui. Vous connaissez... Notre monnaie, c'est l'euro. C'est ça. Donc, j'ai découvert qu'il avait fait une suite à ça parce qu'il est vraiment omnubilé sur ce thème financier. Il a sorti un an plus tard La belle marche de l'euro. Parce que c'est vraiment un sujet palpitant. Pour les plus fragiles et les plus inquiets d'entre nous, l'euro constituera un vrai atout. Chacun pourra être assuré de détenir un bouclier, l'euro-monnaie valide, l'euro-monnaie solide, la belle marche de l'euro. À la fois une grande force et un beau cadeau, la grande marche don, de l'euro. On peut s'exterminer. Fortissimo. Faites un don en euro. Un euro. Seulement un euro par semaine. Pour les plus démunis, c'est comme un refuge et presque un nid. Pour pauvres ou riches, l'euro est ça une valeur hein, qui fièrement s'affiche. Le dollar. Sur fond de Michel Farinet, pour la gloire de notre belle race. Alors, en septembre dernier, Scott Zielinski a intenté une poursuite contre le propriétaire et les employés de Nick's Shortstop Party Store au Michigan, affirmant avoir reçu des blessures par balle lors d'une visite dans ce magasin. Ces affirmations sont véridiques, mais la poursuite risque de rencontrer quelques embûches puisque le demandeur était en train de voler le magasin lors de l'incident. Zielinski a été condamné pour vol à main armée après être entré dans le magasin brandissant un couteau qu'il aurait tenu sous la gorge des employés menaçant de les tuer. Après avoir obtenu de l'argent et d'excellentes cigarettes, il s'est dirigé vers l'extérieur du magasin en continuant de menacer les employés. L'un des commis a alors pris une arme à feu et a tiré sur Zielinski à deux reprises. Zelensky demande 125 000 $ pour la douleur et la détresse psychologique infligée par les gens qu'il venait de menacer de mort en les volant. T'as-tu déjà entendu parler du gars, là? Il y a quel gars, il a voulu faire un restaurant, il rentre par la cheminée, genre, la bouche d'aération. Ouais. Le gars est resté coincé dans la bouche d'aération. Puis, à cause que la bouche d'aération n'était pas faite selon les normes, il a actionné le restaurant parce qu'il n'a pas pu passer. Ça a pris 72 heures à sortir de là. Puis, il est actionné pour un point quelques millions. Mais l'affaire, c'est que c'est lui que ça lui a coûté toute sa vie parce qu'il a passé 25 ans en prison. Parce qu'il a essayé de détourner le fond, genre, vis-à-vis de cette affaire-là. Là, le fait que... Comment je peux dire ça? Ça fait longtemps, cette histoire. T'es en train de me dire qu'il y a un esti de cave qui s'est fait pogner en essayant de voler puis qui a essayé de faire passer ça c'est sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est ça, il disait qu'il nettoyait les conduits puis qu'il est engagé par la compagnie telle. La compagnie qui n'existe pas pendant que Michel Farinet fausse pour nous. Ah, c'est fini, là, il reste 5 secondes. Yes, on applaudit. Hey, Étienne Forêt, oui. On est pas mal rendu vers la fin du show, là, mais une dernière là, pour que tu aies eu tes deux grandes plages étendues. Okay. Avec, j'en mets une dernière. Hey, Sylvie Arnand. Sylvie Vartan. Écoute, si tu le demandes, je vais en remettre une autre de Sylvie Vartan. Hey, t'es incroyable. Écoute, j'hésite en deux qui sont vraiment très fortes. Je pense que je vais y aller avec celle-ci. Tu devrais laisser Hélène choisir, elle est juste à côté, elle pourrait en pointer une. Oui, OK. Regarde, est-ce que tu préfères « L'amour, c'est comme une cigarette » ou bien « Danse ta vie » La deuxième, excellent. Je m'en allais prendre ça moi aussi. Alors, Danse ta vie de Sylvie Vartan. Danse ta vie, danse. Oh, shit. Ça, c'est sur le même album que Déprime de tantôt. Okay. Tout ça, c'était ensemble, un après l'autre. C'est ça, c'est parce qu'elle était virée de bord de piano. Mais des exemplaires de Sylvie, on peut acheter au HMV, j'imagine. C'est sûr que tout est encore là. Puis même Sylvie Vartan, elle sort encore des disques. Elle a sorti un disque en 2007. Qui est beaucoup moins intéressant, là, où elle fait des chansons en anglais telles que les artistes originaux. C'est des reprises non traduites, donc ça donne plus rien d'écouter ça. Est-ce que tu es fier de ton choix, là, Hélène? On va être obligé d'écouter ça puis de finir l'émission avec ça. C'est donc l'autre, ouais. On peut mettre l'autre. L'amour, non, c'est comme une cigarette. Après une cigarette, c'est bon. L'amour, c'est excellent. C'est une traduction de Morning Train de. Ouf. Ça s'appelle le Shannon Easton. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne après nous pour faire le show. Ouais. Donc on juste après, on va pouvoir courir dans l'UQAM comme on veut. Ouais, c'est vrai. Ben, surtout qu'on va probablement être embarré. Donc, on va peut-être dormir ici. On est pogné à l'UQAM. Si on n'est pas là à pour l'émission de pour le douteux tout à l'heure, ben, faites le show sans nous. Continuez sans nous. C'est ça. Hey, pendant que ça joue doucement, je vais lire la dernière partie de mon petit texte ici. Puis là, ben, je vais parler un petit peu plus du film, parce qu'avant, j'en ai pas parlé. Quant à ce soir, je suis content de vous présenter un Godfrey O et Joseph Lai, classique dans la plus pure tradition. C'est un film deux dans un, tout le monde sait c'est quoi. Oui. Il y a un film qui dure 55 minutes, il y a un film qui dure 35 minutes. Là, les deux, ils se disent, ben là, on peut pas les diffuser, parce que pas winner au cinéma, un film de 55 minutes et un film de 35 minutes. Oui, mais 55 plus 35, ça fait 90. On va les mélanger les deux ensemble, ça va nous faire un long métrage. On a gagné. Et voilà, un film deux dans un. Je vais essayer de résumer le film en le moins de mots possible, en incluant tous les personnages. Écoutez bien ça. Gordon est un ninja du clan des ninjas justiciers. Son maître l'informe que Alpha, l'élu tout-puissant qui éliminera les forces du mal, vient de naître. Ce bébé, fils d'Yvonne et Collé, sera placé par Shirley, seul ami d'Yvonne, sous la garde de Rick, l'ex d'Yvonne, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de faire le ménage. Voyant leur fin arriver, les méchants ninjas, dirigés par Grant et son maître, ordonnent à Collé, leur sous-fifre multimillionnaire, patron de Rick, de les aider à se débarrasser d'Alpha, qui est en fait le fils unique de Collé, même si tout le monde s'en fout. Collé ordonne alors à Steven et ses clones habillés pareils de étirer la sauce pendant 90 minutes. Le tout sera ponctué de combats de ninja au lait, c'est-à-dire des adultes au style déjà vieux en 1987, qui font des simagrées à la passe carreau en accéléré, avant de se retrouver habillés de fluo de l'autre côté d'un jump cut outrageux. Ils viennent tous avec leur emploi d'assassin subtil écrit dans le front sur un bandeau, et passent l'intégrale de leur existence entre ces trois états, 60% de gestes vacués qui font du bruit, 20% de regards sérieux en gros plan et 20% de tapes exaspérantes qui font un bruit impossible. Ah, il y a du monde finalement après nous autres, va falloir se lever puis marcher. Le dernier 2 dans 1 qu'on a écouté, soit La Vengeance des Sauvages, je vous ai invité à remarquer comment les créateurs se collissaient bien raide de nous en ne manquant aucun respect. Ben en fait, en mâchant sans respect ni méthode 2 films en un seul. Je pèse pause pour dire merci beaucoup au Capitaine Québec. Monsieur Québec, dites-le une dernière fois dans le micro. Je sais pas pourquoi ils sont arrêtés, eux autres, là. Mais bonjour, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Hey. C'est parfait. C'est correct? Ben oui, ben on va s'en revoir dans le futur. Dawish, merci, on s'en va au brouhaha. Ouais. All right. Et puis merci beaucoup, Hélène. Étienne Forêt, toujours un plaisir à chaque fois. Moi, je vous laisse avec cette dernière phrase. Vous pouvez rentrer, les amis, d'écran total. On est en train... donc, pour celui-ci, pour ce 2 dans 1, je vous invite à faire attention au nom des gens responsables du film. Vous remarquerez les pseudos phénomènes expliqués par le besoin de distribution dans les pays occidentaux. Quant au manque de tact utilisé pour mélanger les deux films en un seul, je vous promets que Richard Harrison n'a jamais rencontré les acteurs principaux du film de ce soir et était de retour aux États-Unis depuis 2 ans quand le film est sorti à Hong Kong la première fois. Ce sera pas bon ou très spécial à 70% ou au brouhaha. Faites attention à vous autres. Et c'était 1063 Tommy Godette pour 70%. J'ai en mémoire la dernière fois qu'on s'est vu. Tu m'avais demandé un service. Eh bien, je l'ai fait. Yvonne, mais de quoi tu parles? Tu veux ressortir le passé? Oui, tu m'avais donné $10,000 avant de partir pour la prison. Et je tiens à préciser ce que j'ai fait de cette somme, c'est tout. Dis, j'espère que tu blagues. Ça m'est égal que tu aies tout dépensé, on peut recommencer. J'ai remboursé toutes les dettes, et puis j'ai donné pour les pauvres. Et le reste, je l'ai utilisé en achetant une maison à ton paternel. Et je n'ai plus le moindre sou. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Je savais que tu le ferais. D'ailleurs, personne n'aurait pu réussir à faire les choses mieux que toi. Je l'ai fait pour t'aider, et aussi en souvenir. Pardonne-moi. Pardon. Pour tout le mal que je t'ai fait. C'est de ma faute, tous ces emmerdes. Oh oui, d'ailleurs, laisse-moi finir. Je me suis armée de patience et... Et puis je me suis mise à compter les mois. Et un jour, ton père est mort. I've changed. Mais je sais tenir ma parole. She grabbed a knife and said, you've aged. She showed me my reflection in the blade. I've never seen my face.